À 16, combien? Kam. Écoutez et répétez. Combien voulez-vous? Kam turid. Combien ça coûte? Kam yusawi. Combien serez-vous? Kam shakhs satakunun. Combien d'enfants avez-vous, Sami? Kam walad indak. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Kam sa'a ta'mal fi al-yawm. Combien de kilomètres avez-vous marché, Leïla? Kam kilometran mashayti. Combien de temps restez-vous, Leïla? Kam min al-waqt satabqin. Combien dure le film? Kam min al-waqt yadoum al-film. Combien veux-tu? Kam min al-mali turid. Combien pèse-t-il? Kam waznhu. Combien faites-vous de taille? Kam qiyasak. Combien vaut-il? Kam thamanhu. Combien êtes-vous? Kam adadkum. Depuis combien de temps attendez-vous? Mundu kam min al-waqt tantazir. Depuis combien de jours est-elle arrivée? Mundu kam yawm wasalat. À combien est-ce de la gare? Kam yab'ud 'an al-mahatta. À combien roulez-vous? Bi ayyati sur'a tasir. À combien? Bi kam. À combien cette chemise? بكم هذا القميص؟